Section 9 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Troisième partie, En Vendée. Livre premier, La Vendée. Chapitre 1, Les forêts. Il y avait alors en Bretagne sept forêts horribles. La Vendée, c'est la révolte prêtre. Cette révolte a eu pour auxiliaire la forêt. Les ténèbres s'entraident. Les sept forêts noires de Bretagne était la forêt de Fougères qui barre le passage entre Dole et Avranches, la forêt de Princé qui a 8 lieues de Tours, la forêt de Pimpon, pleine de ravines et de ruisseaux, presque inaccessible du côté de Baignon, avec une retraite facile sur Concornet qui était un bourg royaliste, la forêt de Rennes, d'où l'on entendait le tocsin des paroisses républicaines, toujours nombreuses près des villes, c'est là que Puiseuil perdit Focard, la forêt de Machecoul qui avait Charette pour bête fauve, la forêt de Garnache, qui était au La Trémoille, au Govin et au Rohan. La forêt de Brocéliande, qui était au Fée. Un gentilhomme en Bretagne avait le titre de seigneur de cette forêt. C'était le vicomte de Fontenay, prince breton. Car le prince breton existait, distinct du prince français. Les Rohans étaient prince breton. Garnier de Saintes, dans son rapport à la Convention, 15 niveaux en deux, qualifie ainsi le prince de Talmont. Ce capet des brigands, souverain du Maine et de la Normandie. L'histoire des forêts bretonnes, de 1792 à 1800, pourrait être faite à part, et elle se mêlerait à la vaste aventure de la Vendée comme une légende. L'histoire a ses vérités, la légende a la sienne. La vérité légendaire est d'une autre nature que la vérité historique. La vérité légendaire, c'est l'invention, ayant pour résultat la réalité. Du reste, l'histoire et la légende ont le même but, peindre sous l'homme momentané l'homme éternel. La Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l'histoire. Il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail. Disons que la Vendée en vaut la peine. La Vendée est un prodige. Cette guerre des ignorants, si stupide et si splendide, abominable et magnifique, a désolé et enorgueilli la France. La Vendée est une plaie qui est une gloire. À de certaines heures, la société humaine a ses énigmes. Énigmes qui, pour les sages, se résolvent en lumière et pour les ignorants en obscurité, en violence et en barbarie. Le philosophe hésite à accuser. Il tient compte du trouble que produisent les problèmes. Les problèmes ne passent point sans jeter au-dessous d'eux une ombre comme les nuages. Si l'on veut comprendre la Vendée, qu'on se figure cet antagonisme. D'un côté, la Révolution française, de l'autre, le paysan breton. En face de ces événements incomparables, menace immense de tous les bienfaits à la fois, accès de colère de la civilisation, excès du progrès furieux, amélioration démesurée et inintelligible, qu'on place ce sauvage grave et singulier, cet homme à l'œil clair et aux longs cheveux, vivant de lait et de châtaigne, borné à son toit de chaume, à sa haie et à son fossé, distinguant chaque hameau du voisinage au son de la cloche, ne se servant de l'eau que pour boire, ayant sur le dos une veste de cuir, avec des arabesques de soie, inculte et brodée, tatouant ses habits comme ses ancêtres, les Celtes, avaient tatoué leur visage, respectant son maître dans son bourreau, parlant une langue morte, ce qui est faire habiter une tombe à sa pensée, piquant ses bœufs, aiguisant sa faux, sarclant son blé noir, pétrissant sa galette de sarrasin, vénérant sa charrue d'abord, sa grand-mère ensuite, croyant à la Sainte Vierge et à la Dame Blanche, dévot à l'autel et aussi à la haute pierre mystérieuse debout au milieu de la lande, laboureur dans la plaine, pêcheur sur la côte, braconnier dans le hallier, aimant ses rois, ses seigneurs, ses prêtres, ses poux. Pensif, immobile souvent des heures entières sur la grande grève déserte, sombre écouteur de la mer. Et qu'on se demande si cet aveugle pouvait accepter cette clarté. Chapitre 2. Les hommes. Le paysan a deux points d'appui. Le champ qui le nourrit, le bois qui le cache. Ce qu'étaient les forêts bretonnes, on se le figurerait difficilement. C'étaient des villes. Rien de plus sourd, de plus muet, et de plus sauvage que ces inextricables enchevêtrements d'épines et de branchages. Ces vastes broussailles étaient des gîtes d'immobilité et de silence. Pas de solitude d'apparence plus morte et plus sépulcrale. Si l'on eût pu, subitement, et d'un seul coup pareil à l'éclair, couper les arbres, on eût brusquement vu dans cette ombre un fourmillement d'hommes. Des puits ronds et étroits, masqués au dehors par des couvercles de pierres et de branches, verticaux puis horizontaux, s'élargissant sous terre en entonnoir et aboutissant à des chambres ténébreuses. Voilà ce que Cambyse trouva en Égypte et ce que Westermann trouva en Bretagne. Là, c'était dans le désert, ici, c'était dans la forêt. Dans les caves d'Égypte, il y avait des morts. Dans les caves de Bretagne, il y avait des vivants. Une des plus sauvages clairières du bois de Midon, toute perforée de galeries et de cellules, où allait et venait un peuple mystérieux, s'appelait la Grande Ville. Une autre clairière, non moins déserte en dessus et non moins habitée en dessous, s'appelait la Place Royale. Cette vie souterraine était immémoriale en Bretagne. De tout temps, l'homme y avait été en fuite devant l'homme. De là, les tanières de reptiles creusées sous les arbres. Cela datait des druides, et quelques-unes de ces cryptes étaient aussi anciennes que les dolmens. Les larves de la légende et les monstres de l'histoire, tout avait passé sur ce noir pays. Teutates, César, Hoël, Néomène, Geoffroy d'Angleterre, Alingant de Fer, Pierre Mauclair, la maison française de Blois, la maison anglaise de Montfort, les rois et les ducs, les neuf barons de Bretagne, les juges des grands jours, les comtes de Nantes, Curélan les comtes de Rennes, les routiers, les malandrins, les grandes compagnies, René II, vicomte de Rohan, les gouverneurs pour le roi, le bon duc de Chaulnes, branchant les paysans sous les fenêtres de Madame de Sévigné. Au XVe siècle, les boucheries seigneuriales. Au XVIe et au XVIIe siècle, les guerres de religion. Au XVIIIe siècle, les 30 000 chiens, dressés à chasser aux hommes. Sous ce piétinement effroyable, le peuple avait pris le parti de disparaître. Tour à tour, les troglodytes pour échapper aux Celtes, les Celtes pour échapper aux Romains, les Bretons pour échapper aux Normands, les Huguenots pour échapper aux catholiques, les contrebandiers pour échapper aux gabelous, s'étaient réfugiés d'abord dans les forêts, puis sous la terre. Ressource des bêtes. C'est là que la tyrannie réduit les nations. Depuis 2000 ans, le despotisme, sous toutes ses espèces, la conquête, la féodalité, le fanatisme, le fisc, traquaient cette misérable Bretagne éperdue. Sorte de battue inexorable, qui ne cessait sous une forme que pour recommencer sous l'autre. Les hommes se tairaient. L'épouvante, qui est une sorte de colère, était toute prête dans les âmes, et les tanières étaient toutes prêtes dans les bois quand la République française éclata. La Bretagne se révolta, se trouvant opprimée par cette délivrance de force, méprise habituelle aux esclaves. Chapitre 3. Connivence des hommes et des forêts. Les tragiques forêts bretonnes reprirent leur vieux rôle et furent servantes et complices de cette rébellion, comme elles l'avaient été de toutes les autres. Le sous-sol de telles forêts était une sorte de madrépore percé et traversé en tous sens par une voirie inconnue de sapes, de cellules et de galeries. Chacune de ces cellules aveugles abritait 5 ou 6 hommes. La difficulté était d'y respirer. On a de certains chiffres étranges qui font comprendre cette puissante organisation de la vaste émeute paysanne. En Ille-et-Vilaine, dans la forêt du Pertre, asile du prince de Talmont, on n'entendait pas un souffle, on ne trouvait pas une trace humaine. Et il y avait 6 000 hommes avec Focard. En Morbihan, dans la forêt de Melac, on ne voyait personne. Et il y avait 8 000 hommes. Ces deux forêts, le Pertre et Melac, ne comptent pourtant pas parmi les grandes forêts bretonnes. Si l'on marchait là-dessus, c'était terrible. Ces alliés hypocrites, pleins de combattants tapis dans une sorte de labyrinthe sous-jacent, étaient comme d'énormes éponges obscures d'où, sous la pression de ce pied gigantesque, la Révolution jaillissait à la guerre civile. Des bataillons invisibles guettaient. Ces armées ignorées serpentaient sous les armées républicaines, sortaient de terre tout à coup et y rentraient, bondissaient innombrables et s'évanouissaient, douées d'ubiquité et de dispersion, avalanches puis poussières, colosses ayant le don du rapetissement, géants pour combattre, nains pour disparaître, des jaguars ayant des mœurs de taupes. Il n'y avait pas que les forêts, il y avait les bois. De même qu'au-dessous des cités, il y a les villages, au-dessous des forêts, il y avait les broussailles. Les forêts se reliaient entre elles par le dédale, par tout et par des bois. Les anciens châteaux, qui étaient des forteresses, les hameaux, qui étaient des camps, les fermes, qui étaient des enclos faits d'embûches et de pièges, les métairies, ravinées de fossés et palissadées d'arbres, étaient les mailles de ce filet où se prirent les armées républicaines. Cet ensemble était ce qu'on appelait le bocage. Il y avait le bois de Midon, au centre duquel était un étang, et qui était à Jean Chouan. Il y avait le bois de Gênes, qui était à Taillefer. Il y avait le bois de la Huisserie, qui était à Gouges de Bruant. Le bois de la Charnie, qui était à Courtillé-le-Bâtard, dit l'apôtre Saint-Paul, chef du camp de la Vache Noire. Le bois de Burgot, qui était à cet énigmatique monsieur Jacques, réservé à une femme mystérieuse dans le souterrain de Juvardel. Il y avait le bois de Charot, où Pimousse et Petit Prince, attaqués par la garnison de Châteauneuf, allaient prendre à bras le corps dans les rangs républicains des grenadiers qu'il rapportait prisonniers, le bois de la Heureuserie, témoin de la déroute du poste de la Longue Faye, le bois de l'Aulne, d'où l'on épiait la route entre Rennes et Laval, le bois de la Gravelle, qu'un prince de la Trémoille avait gagné en jouant à la boule, le bois de l'Orge, dans les côtes du Nord, où Charles de Boishardy régna après Bernard de Villeneuve, le bois de Bagnard, près Fontenay, où Lescure offrit le combat à Chalbos, qui étant 1-5, l'accepta, le bois de la Durondaye, où se disputèrent jadis Alain le Redru et Hérispoux, fils de Charles le Chauve, le bois de Croqueloup, sur la lisière de cette lande où Cocro tondait les prisonniers, le bois de la Croix-Bataille, qui assista aux insultes homériques de Jambes d'Argent à Morière et de Morière à Jambes d'Argent, le bois de la Sauderaye, que nous avons vu fouiller par un bataillon de Paris, bien d'autres encore. Dans plusieurs de ces forêts et de ces bois, il n'y avait pas seulement des villages souterrains, groupés autour du terrier du chef, mais il y avait encore de véritables hameaux de huttes basses, cachés sous les arbres, et si nombreux que parfois la forêt en était remplie. Souvent, les fumées les trahissaient. Deux de ces hameaux du bois de Midon sont restés célèbres. Laurière, près de l'étang, et, du côté de Saint-Ouen-les-Toits, le groupe de cabanes, appelé la rue de Beau. Les femmes vivaient dans les huttes et les hommes dans les cryptes. Ils utilisaient pour cette guerre les galeries des fées et les vieilles sapes celtiques. On apportait à manger aux hommes enfouis. Il y en eut qui, oubliés, moururent de faim. C'étaient d'ailleurs des maladroits qui n'avaient pas su rouvrir leur puits. Habituellement, le couvercle, fait de mousse et de branches, était si artistiquement façonné qu'impossible à distinguer du dehors dans l'herbe, il était très facile à ouvrir et à fermer du dedans. Ses repères étaient creusés avec soin. On allait jeter à quelque étang voisin la terre qu'on dotait du puits. La paroi intérieure et le sol étaient tapissés de fougères et de mousse. Ils appelaient ce réduit la loge. On était bien là, à cela près qu'on était sans jour, sans feu, sans pain et sans air. Remonter sans précaution parmi les vivants et se déterrer hors de propos était grave. On pouvait se trouver entre les jambes d'une armée en marche. Bois redoutable, piège à double trappe. Les bleus n'osaient entrer, les blancs n'osaient sortir. Chapitre 4. Leur vie sous terre. Les hommes dans ces caves de bêtes s'ennuyaient. La nuit, quelquefois, à tout risque, ils sortaient et s'en allaient danser sur la lande voisine. Ou bien, ils priaient pour tuer le temps. « Tout le jour, dit Bourdoiseau, Jean Chouan nous faisait chapeloter. Il était presque impossible, la saison venue, d'empêcher ceux du Bamène de sortir pour se rendre à la fête de la gerbe. Quelques-uns avaient des idées à eux. Denis, dit Tranchemontagne, se déguisait en femme pour aller à la comédie à Laval. Puis il rentrait dans son trou. Brusquement, ils allaient se faire tuer, quittant le cachot pour le sépulcre. Quelquefois, ils soulevaient le couvercle de leur fosse et ils écoutaient si on se battait au loin. Ils suivaient de l'oreille le combat. Le feu des républicains était régulier. Le feu des royalistes était éparpillé. Ceci les guidait. Si les feux de peloton cessaient subitement, c'était signe que les royalistes avaient le dessous. Si les feux saccadés continuaient et s'enfonçaient à l'horizon, c'était signe qu'ils avaient le dessus. Les blancs poursuivaient toujours. Les bleus, jamais, ayant le pays contre eux. Ces belligérants souterrains étaient admirablement renseignés. Rien de plus rapide que leur communication. Rien de plus mystérieux. Ils avaient rompu tous les ponts, ils avaient démonté toutes les charrettes, et ils trouvaient moyen de tout se dire et de s'avertir de tout. Des relais d'émissaires étaient établis de forêt à forêt, de village à village, de ferme à ferme, de chaumière à chaumière, de buisson à buisson. Tel paysan, qui avait l'air stupide, passait, portant des dépêches dans son bâton, qui était creux. Un ancien constituant, Boétidou, leur fournissait pour aller et venir d'un bout à l'autre de la Bretagne des passeports républicains nouveau modèle, avec les noms en blanc, dont ce traître avait des liasses. Il était impossible de les surprendre. Des secrets livrés, dit Puisaye, à plus de 400 000 individus ont été religieusement gardés. Il semblait que ce quadrilatère fermé au sud par la ligne des Sables à Thouars, à l'est par la ligne de Thouars à Saumur, et par la rivière de Thouet, au nord par la Loire et à l'ouest par l'océan, eut un même appareil nerveux, et qu'un point de ce sol ne put tressaillir sans que tout s'ébranlât. En un clin d'œil, on était informé de Noirmoutier à Luçon, et le camp de la Louée savait ce que faisait le camp de la Croix-Morino. On eût dit que les oiseaux s'en mêlaient. Hoche écrivait « 7 Messidor en 3 ». On croirait qu'ils sont des télégraphes. C'étaient des clans, comme en Écosse. Chaque paroisse avait son capitaine. Cette guerre, mon père l'a faite, et j'en puis parler. Chapitre 5. Leur vie en guerre. Beaucoup n'avaient que des piques. Les bonnes carabines de chasse abondaient. pas de plus adroits tireurs que les braconniers du Bocage et les contrebandiers du Loroux. C'étaient des combattants étranges, affreux et intrépides. Le décret de la levée des 300 000 hommes avait fait sonner le tocsin dans 600 villages. Le pétillement de l'incendie éclata sur tous les points à la fois. Le Poitou et l'Anjou firent explosion le même jour. Disons qu'un premier grondement s'était fait entendre dès 1792, le 8 juillet, un mois avant le 10 août, sur la lande de Kerbader. Alain Rodeleur, aujourd'hui ignoré, fut le précurseur de la Roche-Jacquelin et de Jean Chouan. Les royalistes forçaient, sous peine de mort, tous les hommes valides à marcher. Ils réquisitionnaient les attelages, les chariots, les vivres. Tout de suite, Sapineau eut 3000 soldats, Catelineau 10 000, Stofflet 20 000 et Charette fut maître des Noirmoutiers. Le vicomte de Sépeau remua le Haut-Anjou, le chevalier de Dieuzy l'entre Vilaine-et-Loire, Tristan l'ermite le Bas-Maine, le barbier Gaston la ville de Guéméné et l'abbé Bernier tout le reste. Pour soulever ces multitudes, peu de choses suffisaient. On plaçait dans le tabernacle d'un curé assermenté, d'un prêtre jureur comme il disait, un gros chat noir qui sautait brusquement dehors pendant la messe. « C'est le diable !» criaient les paysans, et tout un canton s'insurgeait. Un souffle de feu sortait des confessionnaux. Pour assaillir les bleus et pour franchir les ravins, ils avaient leur long bâton de 15 pieds de long, la ferte, arme de combat et de fuite. Au plus fort des mêlées, quand les paysans attaquaient les carrés républicains, s'ils rencontraient sur le champ de combat une croix ou une chapelle, tous tombaient à genoux et disaient leurs prières sous la mitraille. Le rosaire fini, ceux qui restaient se relevaient et se ruaient sur l'ennemi. Quel géant, hélas! Ils chargeaient leurs fusils en courant, c'était leur talent. On leur faisait accroire ce qu'on voulait. Les prêtres leur montraient d'autres prêtres, dont ils avaient rougi le cou avec une ficelle serrée, et leur disaient « Ce sont des guillotinés ressuscités !» Ils avaient leur accès de chevalerie. Ils honorèrent Fesque, un porte-drapeau républicain qui s'est fait sabrer sans lâcher son drapeau. Ces paysans raillaient. Ils appelaient les prêtres mariés républicains des sans-calottes devenus sans-culottes. Ils commencèrent par avoir peur des canons. Puis, ils se jetèrent dessus avec des bâtons et ils en prirent. Ils prirent d'abord un beau canon de bronze qu'ils baptisèrent le missionnaire. Puis un autre qui datait des guerres catholiques et où étaient gravées les armes de Richelieu et une figure de la Vierge. Ils l'appelèrent Marie-Jeanne. Quand ils perdirent Fontenay, ils perdirent Marie-Jeanne, autour de laquelle tombèrent sans broncher 600 paysans. Puis ils reprirent Fontenay afin de reprendre Marie-Jeanne et ils la ramenèrent sous le drapeau fleur-de-lysée en la couvrant de fleurs et en la faisant baiser aux femmes qui passaient. Mais deux canons, c'était peu. Stofflet avait pris Marie-Jeanne, Catelineau, jaloux, partit de pain en manche, donna l'assaut à Jalais et prit un troisième canon. Forest attaqua Saint-Florent et en prit un quatrième. Deux autres capitaines, Choupe et Saint-Paul, firent mieux. Ils figurèrent des canons par des troncs d'arbres coupés et des canonniers par des mannequins. Et, avec cette artillerie, dont ils riaient vaillamment, ils firent reculer les bleus à Marolles. C'était là leur grande époque. Plus tard, quand Chalbaud mit en déroute la Marsonnière, les paysans laissèrent derrière eux sur le champ de bataille déshonoré 32 canons aux armes d'Angleterre. L'Angleterre alors payait les princes français et l'on envoyait « des fonds à Monseigneur », écrivait Nantia le 10 mai 1794, parce qu'on a dit à M. Pitt que cela était décent. Mélinet, dans un rapport du 31 mars, dit « Le cri des rebelles est « Vive les Anglais !» Les paysans s'attardaient à piller. Ces dévots étaient des voleurs. Les sauvages ont des vices. C'est par là que les prend plus tard la civilisation. Puisaye dit, tome 2, page 187, « J'ai préservé plusieurs fois le bourg de Pléland du pillage. » Et plus loin, page 434, il se prive d'entrer à Montfort. « Je fis un circuit pour éviter le pillage des maisons des Jacobins. Ils détroussèrent Cholet. Ils mirent à sac Chaland. Après avoir manqué Granville, ils pillèrent Villedieu. Ils appelaient « ma Jacobine », ceux des campagnards qui s'étaient ralliés aux Bleus, et ils les exterminaient plus que les autres. Ils aimaient le carnage comme des soldats et le massacre comme des brigands. Fusiller les pataux, c'est-à-dire les bourgeois, leur plaisait. Ils appelaient cela « se décarémer ». À Fontenay, un de leurs prêtres, le curé Barbotin, abattit un vieillard d'un coup de sabre. À Saint-Germain-sur-Il, un de leurs capitaines, gentilhomme, tua d'un coup de fusil le procureur de la commune et lui prit sa montre. À Machecoul, ils mirent les républicains en coupe réglée à 30 par jour. Cela dura 5 semaines. Chaque chaîne de 30 s'appelait le chapelet. On adossait la chaîne à une fosse creusée et l'on fusillait. Les fusillés tombaient dans la fosse, parfois vivants. On les enterrait tout de même. Nous avons revu ces mœurs. Joubert, président du district, eut les poings sciés. Il mettait aux prisonniers bleus des menottes coupantes forgées exprès. Il les assommait sur les places publiques en sonnant l'alali. Charette, qui signait « Fraternité, le chevalier Charette » et qui avait pour coiffure comme Marat un mouchoir noué sur les sourcils, brûla la ville de Pornic et les habitants dans les maisons. Pendant ce temps-là, Carrier était épouvantable. La terreur répliqua la terreur. L'insurgé breton avait presque la figure de l'insurgé grec. Veste courte, fusil en bandoulière, jambière, large braie, pareil à la fustanelle. Le gars ressemblait au cleft. Henri de la Roche-Jacquelin, à 21 ans, partait pour cette guerre avec un bâton et une paire de pistolets. L'armée vendéenne comptait 154 divisions. Il faisait des sièges en règle. Il tint 3 jours Bressuire bloquée. 10 000 paysans, un vendredi saint, canonnèrent la ville des Sables à boulet rouge. Il leur arriva de détruire en un seul jour 14 cantonnements républicains, de Montigny à Courbeveille. À Thouars, sur la haute muraille, on entendit ce dialogue superbe entre la Roche-Jacquelin et un gars. « Karl, me voilà. Tes épaules que je monte dessus. Faites. Ton fusil. Prenez. » Et la Roche-Jacquelin sauta dans la ville et l'on prit sans échelle ses tours qu'avait assiégé du Guesclin. Il préférait une cartouche à un louis d'or. Il pleurait quand il perdait de vue leur clocher. Fuir leur semblait simple. Alors le chef criait « Jetez vos sabots, gardez vos fusils !» Quand les munitions manquaient, ils disaient leur chapelet et allaient prendre de la poudre dans les caissons de l'artillerie républicaine. Plus tard, Delbé en demanda aux Anglais. Quand l'ennemi approchait, s'ils avaient des blessés, ils les cachaient dans les grands blés ou dans les fougères vierges. Et, l'affaire finie, venaient les reprendre. D'uniforme, point. Leurs vêtements se délabraient. Paysans et gentilshommes s'habillaient des premiers haillons venus. Roger Moulinier portait un turban et un dolman, pris au magasin de costumes du théâtre de la Flèche. Le chevalier de Beauvilliers avait une robe de procureur et un chapeau de femme, par-dessus un bonnet de laine. Tous portaient l'écharpe et la ceinture blanche. Les grades se distinguaient par les nœuds. Stofflet avait un nœud rouge. La Roche-Jacquelin avait un nœud noir. Wimphen, demi-girondin, qui du reste ne sortit pas de Normandie, portait le brassard des carabots de Caen. Ils avaient dans leur rang des femmes, Madame de Lescure, qui fut plus tard Madame de la Roche-Jacquelin, Thérèse de Molien, maîtresse de la Rouarie, laquelle brûla la liste des chefs de paroisse, Madame de la Rochefoucauld, belle, jeune, le sabre à la main, ralliant les paysans, au pied de la grosse tour du château du Puy-Ruisseau, et c'est Antoinette Adam, dite le chevalier Adam, si vaillante que prise, on la fusilla, mais debout, par respect. Ce temps épique était cruel, on était des furieux. Madame de Lescure faisait exprès marcher son cheval sur le républicain, gisant hors de combat. « Mort, dit-elle, blessé peut-être. » Quelquefois les hommes trahirent, les femmes, jamais. Mademoiselle Fleury, du Théâtre français, passa de la Rouarie à Marat, mais par amour. Les capitaines étaient souvent aussi ignorants que les soldats. Monsieur de Sapineau ne savait pas l'orthographe. Il écrivait « Nous aurions de notre côté ». Les chefs s'entrahissaient. Les capitaines du Marais criaient « Abat ceux du pays haut !» Leur cavalerie était peu nombreuse et difficile à former. Puisaye écrit « Tel homme qui me donne gaiement ses deux fils devient froid si je lui demande un de ses chevaux. Ferte, fourche, faux, fusil, vieux et neuf, couteau de braconnage, broche, gourdin ferré et clouté, c'étaient là leurs armes. Quelques-uns portaient en sautoir une croix faite de 2 os de mort. Ils attaquaient à grands cris. Surgissaient subitement de partout des bois, des collines, des cépés, des chemins creux. S'égaillaient, c'est-à-dire faisaient le croissant, tuaient, exterminaient, foudroyaient et se dissipaient. Quand ils traversaient un bourg républicain, ils coupaient l'arbre de liberté, le brûlaient et dansaient en rond autour du feu. Toutes leurs allures étaient nocturnes. Règle du Vendéen, être toujours inattendu. Ils faisaient 15 lieues en silence, sans courber une herbe sur leur passage. Le soir venu, après avoir fixé entre chef et en conseil de guerre le lieu où, le lendemain matin, ils surprendraient les postes républicains, ils chargeaient leurs fusils, marmottaient leurs prières, ôtaient leurs sabots et filaient en longue colonne à travers les bois, pieds nus sur la bruyère et sur la mousse, sans un bruit, sans un mot, sans un souffle. Marche de chat dans les ténèbres. Chapitre 6. L'âme de la terre passe dans l'homme. La Vendée insurgée ne peut être évaluée à moins de 500 000 hommes, femmes et enfants. 500 000 de combattants. C'est le chiffre donné par Tufin de la Rouarie. Les fédéralistes aidaient. La Vendée eut pour complice la Gironde. La Lozère envoyait au bocage 30 000 hommes. 8 départements se coalisaient, 5 en Bretagne, 3 en Normandie. Évreux, qui fraternisait avec Caen, se faisait représenter dans la rébellion par Chaumont, son maire, et Gardambasse, notable, Buzot, Gorzas et Barbaroux à Caen, Brissot à Moulins, Chassant à Lyon, Rabon-Saint-Étienne à Nîmes, Meillan et Duchastel en Bretagne. Toutes ces bouches soufflaient sur la Furnaise. Il y eut deux Vendées, la grande qui faisait la guerre des forêts, la petite qui faisait la guerre des buissons. Là est la nuance qui sépare Charette de Jean Chouan. La petite Vendée était naïve, la grande était corrompue. La petite valait mieux. Charette fut fait marquis, lieutenant général des armées du roi et grand croix de Saint-Louis. Jean Chouan resta Jean Chouan. Charette confine aux bandits, Jean Chouan aux paladins. Quant à ses chefs magnanimes, Bonchamp, Lescure, La Roche-Jacquelin, ils se trompèrent. La grande armée catholique a été un effort insensé. Le désastre devait suivre. Se figure-t-on une tempête paysanne attaquant Paris? Une coalition de villages assiégeant le Panthéon? Une meute de Noël et d'Orémus aboyant autour de la Marseillaise? La cohue des sabots se ruant sur la Légion des Esprits? Le Mans et Chavenay châtièrent cette folie. Passer la Loire était impossible à la Vendée. Elle pouvait tout, excepté cette enjambée. La guerre civile ne conquiert point. Passer le Rhin complète César et augmente Napoléon. Passer la Loire tue La Roche-Jacquelin. La vraie Vendée, c'est la Vendée chez elle. Là, elle est plus qu'invulnérable, elle est insaisissable. Le Vendéen, chez lui, est contrebandier, laboureur, soldat, pâtre, braconnier, franc-tireur, chevrier, sonneur de cloches, paysan, espion, assassin, sacristain, bête des bois. La Roche-Jacquelin n'est qu'Achille. Jean Chouan est Protée. La Vendée a avorté. D'autres révoltes ont réussi, la Suisse par exemple. Il y a cette différence entre l'insurgé de montagne comme le Suisse et l'insurgé de forêt comme le Vendéen, que, presque toujours, fatale influence du milieu, l'un se bat pour un idéal et l'autre pour des préjugés. L'un plane, l'autre rampe. L'un combat pour l'humanité, l'autre pour la solitude. L'un veut la liberté, l'autre veut l'isolement. L'un défend la commune, l'autre la paroisse. « Commune, commune !» criaient les héros de Morat. L'un a affaire au précipice, l'autre aux fondrières. L'un est l'homme des torrents et des écumes, l'autre est l'homme des flaques stagnantes, d'où sort la fièvre. L'un a sur la tête l'azur, l'autre une broussaille. L'un est sur une cime, l'autre est dans une ombre. L'éducation n'est point la même, faite par les sommets ou par les bas-fonds. La montagne est une citadelle, la forêt est une embuscade. L'une inspire l'audace, l'autre le piège. L'Antiquité plaçait les dieux sur les fêtes et les satyres dans les alliés. Le satyre, c'est le sauvage, demi-homme, demi-bête. Les pays libres ont des Apennins, des Alpes, des Pyrénées, un Olympe. Le Parnasse est un mont. Le Mont-Blanc était le colossal Hotzilia de Guillaume Tell. Au fond et au-dessus des immenses luttes des esprits contre la nuit qui emplissent les poèmes de l'Inde, on aperçoit l'Himalaya. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Helvétie ont pour figure la montagne. La Cimérie, Germanie ou Bretagne a le bois. La forêt est barbare. La configuration du sol conseille à l'homme beaucoup d'actions. Elle est complice, plus qu'on ne croit. En présence de certains paysages féroces, on est tenté d'exonérer l'homme et d'incriminer la création. On sent une sourde provocation dans la nature. Le désert est parfois malsain à la conscience, surtout à la conscience peu éclairée. La conscience peut être géante, cela fait Socrate et Jésus. Elle peut être naine, cela fait Atrée et Judas. La conscience petite est vite reptile. Les futaies crépusculaires, les ronces, les épines, les marais sous les branches sont une fatale fréquentation pour elle. Elle subit là la mystérieuse infiltration des persuasions mauvaises. Les illusions d'optique, les mirages inexpliqués, les effarements d'heure ou de lieu jettent l'homme dans cette sorte d'effroi, demi-religieux, demi-bestial, qui engendre en temps ordinaire la superstition et dans les époques violentes la brutalité. Les hallucinations tiennent la torche qui éclaire le chemin du meurtre. Il y a du vertige dans le brigand. La prodigieuse nature a un double sens qui éblouit les grands esprits et aveugle les âmes fauves. Quand l'homme est ignorant, quand le désert est visionnaire, l'obscurité de la solitude s'ajoute à l'obscurité de l'intelligence. De là dans l'homme des ouvertures d'abîme. De certains rochers, de certains ravins, de certains taillis, de certaines claires-voies farouches du soir à travers les arbres, poussent l'homme aux actions folles et atroces. On pourrait presque dire qu'il y a des lieux scélérats. Que de choses tragiques a vu la sombre colline qui est entre Baignon et Plélan. Les vastes horizons conduisent l'âme aux idées générales. Les horizons circonscrits engendrent les idées partielles, ce qui condamne quelquefois de grands cœurs à être de petits esprits. Témoin, Jean Chouan. Les idées générales haïes par les idées partielles. C'est là la lutte même du progrès. Pays, patrie. Ces deux mots résument toute la guerre de Vendée. Querelle de l'idée locale contre l'idée universelle. Paysans contre patriotes. Chapitre 7. La Vendée a fini la Bretagne. La Bretagne est une vieille rebelle. Toutes les fois qu'elle s'est révoltée pendant 2000 ans, elle avait eu raison. La dernière fois, elle a eu tort. Et pourtant, au fond, contre la Révolution comme contre la monarchie, contre les représentants en mission comme contre les gouverneurs, ducs et pairs, contre la planche aux assignats comme contre la ferme des Gabelles, quels que fussent les personnages combattants, Nicolas Rapin, François de Lanoue, le capitaine Pluviot et la dame de la Garnache, ou Stofflet, Cocquereau et le chandelier de Pierreville, sous M. de Rohan contre le roi, et sous M. de La Roche-Jacquelin pour le roi, c'était toujours la même guerre que la Bretagne faisait, la guerre de l'esprit local contre l'esprit central. Ces antiques provinces étaient un étang. Courir répugnait à cette eau dormante. Le vent qui soufflait ne les vivifiait pas, il les irritait. Finistère, c'était là que finissait la France, que le chant donné à l'homme se terminait, et que la marche des générations s'arrêtait. Halte ! Criait l'océan à la terre, et la barbarie à la civilisation. Toutes les fois que le centre, Paris, donne une impulsion, que cette impulsion vienne de la royauté ou de la République, qu'elle soit dans le sens du despotisme ou dans le sens de la liberté, c'est une nouveauté, et la Bretagne se hérisse. Laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce qu'on nous veut ? Le Marais prend sa fourche, le Bocage prend sa carabine. Toutes nos tentatives, notre initiative en législation et en éducation, nos encyclopédies, nos philosophies, nos génies, nos lois, viennent échouer devant le Hourou. Le tocsin de Bazougé menace la Révolution française. La lande du Faou s'insurge contre nos orageuses places publiques. Et la cloche du Haut-des-Prés déclare la guerre à la tour du Louvre. Surdité terrible. L'insurrection vendéenne est un lugubre malentendu. Échauffourée colossale, chicane de titans, rébellion démesurée, destinée à ne laisser à l'histoire qu'un mot, la Vendée, mot illustre et noir. Se suicidant pour des absents, dévoué à l'égoïsme, passant son temps à faire à la lâcheté l'offre d'une immense bravoure, sans calcul, sans stratégie, sans tactique, sans plan, sans but, sans chef, sans responsabilité, montrant à quel point la volonté peut être l'impuissance, chevaleresque et sauvage, l'absurdité en rut, bâtissant contre la lumière un garde-fou de ténèbres, l'ignorance faisant à la vérité, à la justice, au droit, à la raison, à la délivrance, une longue résistance, bête et superbe. L'épouvante de 8 années, le ravage de 14 départements, la dévastation des champs, l'écrasement des moissons, l'incendie des villages, la ruine des villes, le pillage des maisons, le massacre des femmes et des enfants, la torche dans les chaumes, l'épée dans les cœurs, l'effroi de la civilisation, l'espérance de M. Pitt. Telle fut cette guerre, essai inconscient de parricide. En somme, en démontrant la nécessité de trouer dans tous les sens la vieille ombre bretonne et de percer cette broussaille de toutes les flèches de la lumière à la fois, la Vendée a servi le progrès. Les catastrophes ont une sombre façon d'arranger les choses. Fin de la section 9.